Le 25 a été distribué le dossier officiel de l'Assemblée générale de l'ONU et du Conseil de sécurité de l'ONU A-71-843-S-2017-192 qui contient la lettre du représentant permanent coréen à l'ONU adressée au président du Conseil de sécurité de l'ONU, la communication du porte-parole de l'état-major général de l'armée populaire de Corée et la communication du porte-parole du ministère coréen des Affaires étrangères relative à ce que, par les manœuvres militaires conjointes d'envergure sans précédent livrées par les États-Unis et les autorités sud-coréennes, une situation critique au seuil d'une guerre est créée dans la péninsule coréenne.